J'ai signé la pétition pour la famine et le Darfour. Mais n'oublie pas ma pétition pour qu'il reste un peu de notre amour. J'ai fait la grève de la faim pour Airbus et pour Arcelor. Et j'en entame une des deux mains pour que de notre amour il en reste encore. Bientôt je serai sans voix d'avoir trop fumé, trop bu, j'aurai vieilli. Je crois tu ne me reconnaîtras plus, tu ne me reconnaîtras plus. Je suis allé crier les slogans pour que la guerre n'ait pas lieu. Dans mon mégaphone pourtant, je priais pour que Dieu reste un peu. J'avais le gaz et les allumettes, j'ai menacé de tout péter pour que la guerre enfin s'arrête. Pour te dire de rester, bientôt je serai sans voix d'avoir trop fumé, trop bu, j'aurai vieilli. Je crois tu ne me reconnaîtras plus, tu ne me reconnaîtras plus. J'ai campé devant l'Élysée, car des grands patrons licenciés. Mais sous ta fenêtre à moins 10 degrés, c'était pour pas que tu m'oublies. Je me suis presque araquéri pour libérer tous les otages, mais je te jure que j'ai bien failli le faire pour que tu ne tournes pas la page. Bientôt je serai sans voix d'avoir trop fumé, trop bu, j'aurai vieilli. Je crois tu ne me reconnaîtras plus, tu ne me reconnaîtras plus, tu ne me reconnaîtras plus.